L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Nous allons parler maintenant d'une exposition qui va bientôt se terminer le 24 juin, l'exposition En guerre au pôle bijoux. Monique Manoa, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle bijoux et là nous sommes à Baccarat. Alors pour présenter déjà le pôle bijoux pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y découvre ? Alors le pôle bijoux, il y a deux bâtiments déjà, hein, la galerie et la taillerie. Donc le public n'accède que au bâtiment galerie. On présente en permanence des événements liés à la création contemporaine dans le domaine du bijou, mais pas que. À l'exemple de En guerre, où en fait on crée un dialogue entre des pièces de patrimoine d'artisanat de tranchées liées à la guerre de 14-18 et de création contemporaine en hommage aux combattants et à la pratique d'artisanat de tranchées. Et fait exceptionnel dans ce cadre-là, on est sur de l'artisanat de tranchées français et allemand, ce qui est très rare. On a un peu tendance à oublier que tous les combattants de tous les pays ont eu une pratique d'artisanat de tranchées. Cette exposition, elle est déjà en cours hein, depuis le mois de février. L'artisanat de tranchées, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors en fait, c'est une pratique qui est présente dans quasiment tous les conflits partout dans le monde et à toutes les époques, mais qui a été très très important en 14-18 hein, parce que c'est une guerre où les gens ont peu bougé. Alors, qui s'explique parce que la plupart des combattants engagés étaient issus de milieux populaires et avaient l'habitude de travailler avec leurs mains, de bricoler pour améliorer l'ordinaire, pour se faire les petits objets du quotidien qu'on n'achetait pas forcément. Et puis, ils ont travaillé plein de matériaux. Bien sûr, les métaux, des obus, des munitions, mais aussi le bois. Là, par exemple, dans l'exposition, on découvre que les Français étaient plutôt spécialistes du travail des métaux dits « mous », comme l'aluminium, le cuivre, le laiton, alors que les Allemands étaient plutôt spécialistes du travail des métaux durs, hein, comme l'acier ou le fer. On a une très belle collection aussi de bouteilles de la passion, qui était typiquement une production allemande. En fait, c'est des petites bouteilles dans lesquelles il y a les outils de la passion du Christ en bois qui étaient rentrés, en fait. Donc, tout est sculpté avant, on les rentre et puis ils se déplient dans la bouteille. Voilà, et cette pratique a vraiment eu cours de 15, on va dire, début 15 à 1916. 17, ça commence à disparaître un peu parce que l'état-major va mettre un frein puisqu'on commence à avoir des difficultés à dire que les soldats ont du temps. C'est le début des rébellions, autant à l'arrière-front que sur le front, parce que la guerre a duré longtemps, qu'il y a eu beaucoup de pertes, voilà. Donc c'est un vrai témoignage de cette histoire, en tout cas, qu'on peut découvrir lors tout de cette exposition. Et de l'humanité de ces hommes, parce que c'est très émouvant. C'était aussi un dérivatif, faire avec ses mains plutôt que penser, parce que je pense qu'ils étaient... Ils se confrontaient au quotidien à des choses assez abominables et que c'est une réponse humaine à ça. Alors cette exposition, elle présente que des pièces d'époque ou il y a aussi des pièces... Non, il y a aussi des créateurs contemporains. D'accord. Qui viennent du monde entier, hein, puisqu'on a des pièces qui sont venues d'Israël, qui sont venues d'Arménie, d'Allemagne, de Belgique. Et en fait, on a invité des créateurs à réfléchir autour de cette notion du bijou de tranchée et de l'artisanat de tranchée. Et c'est très intéressant de voir le dialogue qui s'est... À 100 ans de différence, il y a vraiment des choses qui sont très bouleversantes parce que finalement, on est sur des fondements de l'humain dans la création. Je pense qu'il y a des choses très profondes qui... Voilà. Et le public est très sensible à ça. On a beaucoup, beaucoup de retours de gens très émus par ce qu'ils voient. Alors l'exposition, on peut donc encore la voir jusqu'au 24 juin, voilà. Après ce sera trop tard. Il y a même une opportunité donc très proche de nous, ce dimanche 10 juin, avec une visite commentée pour avoir encore un autre regard. Voilà, en fait tous les seconds dimanches du mois, on fait des visites commentées de nos expositions. Donc le matin, spécialement pour les enfants, c'est à 10h30 et c'est des visites qui sont comptées animées. On a vraiment travaillé... pour le jeune public, et là sur un thème qui n'est pas facile, parce que c'est difficile de parler de la guerre avec des enfants, donc on essaye d'aborder ça en s'adaptant à ce qu'ils peuvent entendre et ce qu'on a envie de leur transmettre. Et puis à 14h30, c'est pour le public adulte et adolescent. Et là, ça permet en fait de retracer déjà la manière dont cette guerre a commencé, en restant vraiment sur le territoire lorrain. La plupart des pièces qu'on présente anciennes, elles ont été faites sur le front des Vosges. Vraiment dans un une confrontation franco-allemande. Et puis, ben, avant ça, il y a aussi l'annexion, tout ce qui s'est joué typiquement en Lorraine avec cette zone de frontière depuis les années 1870, en fait. Énormément de choses à apprendre, alors à l'occasion de cette visite commentée aussi. Pour y participer, comment on fait? Eh bien, il suffit de venir à Paul Bijoux Galerie, 13 rue du Port, à Baccarat, et on peut réserver à l'avance au 03 83 76 06 99. Voilà, tout simplement, l'exposition donc c'est jusqu'au 24 juin, l'entrée est libre. L'entrée est libre, on a une petite participation pour les adultes sur les visites commentées qui est 2 euros. Pour les gens qui veulent venir en visite libre et qui ne sont pas disponibles dimanche, on est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Voilà, il y a un site internet aussi pour retrouver le Pôle Bijoux, c'est www.paulebijoux.com. Monique Manoa, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.